Après une nuit paisible, grâce à une manœuvre adroite de Joe, l'ancre fut décrochée et au moyen de l'échelle, Joe regagna la nacelle. Le docteur dilata vivement le gaz et le Victoria reprit son vol, poussé par un vent assez fort. Le docteur manœuvrait son ballon avec une merveilleuse dextérité. Vers 11h, on dépassait le bassin d'Imingé. Les tribus éparses, sur ces collines, menaçaient vainement le Victoria de leurs armes. Il arrivait enfin aux dernières ondulations de terrain qui précèdent le Rubeho. Elles forment la troisième chaîne la plus élevée des montagnes de l'Usagara. « Attention, docteur Ferguson, nous approchons du Rubeho, dont le nom signifie dans la langue du pays « passage des vents ». Nous ferons bien d'en doubler les arêtes aiguës à une certaine hauteur. » En peu de temps, le ballon prit une marche sensationnelle très marquée. Bientôt, le Victoria descendait le versant opposé du Rubeho. Quelques taillis, plus loin devenus forêts, embellirent l'horizon. Le docteur s'approcha du sol, les ancres furent lancées, et l'une d'elles s'accrocha bientôt dans les branches d'un vaste sycomore. « Maintenant, dit Ferguson, prends deux fusils, ami Dick, l'un pour toi, l'autre pour Joe, et tâchez, à vous deux, de rapporter quelques bonnes tranches d'antilope. Ce sera pour notre dîner. Bonne chasse et soyez prudents. D'ailleurs, de mon poste, j'observerai le pays, et à la moindre chose suspecte, je tirerai un coup de carabine. Ce sera le signal de ralliement. » « Convenu, répondit le chasseur. »